je me fonds dans la masse d'une jeunesse précaire laissée dans la misère, peau de terre contre peau de fer. L'Europe les a guidés vers le choix de l'austérité, la jeunesse va payer le prix des pots cassés, de ses rêves brisés, illusions fourvoyées. L'élite de nos nations, née par leurs ambitions, ont saisi l'équation d'une jeunesse malléable au gré du capital, mais leur système est bancal. A la puerta del sol estamos indignados de un sistema muy corrupto. Seguiremos en pie juntos luchando. No me inclinaré delante de su sistema. Révoltés, nous refuserons de nous taire. Nous resterons insoumis, compagnons de galère. Entends ces quelques rimes. J'ai vu des compagnons dans le sud de la France poser l'insoumission, fiers de leur différence, franchir le pas d'utopie, sans dogme et sans dictat. C'est une recyclerie qui prendra le premier acte. Si l'urgence est de taille, l'ignorance reste en place, protégée, je le conchis, par une oligarchie, médias et politiques.